la troisième lettre de Jean. De la part de l'ancien à mon cher Gaius, que j'aime véritablement. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. J'ai été très heureux quand des frères sont arrivés et m'ont déclaré combien tu es fidèle à la vérité, selon ta façon habituelle de vivre dans la vérité. Rien ne me rend plus heureux que d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Cher ami, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même pour ceux qui sont étrangers. Ils ont parlé de ton amour devant l'Église. Aide-les, je t'en prie, à poursuivre leur voyage d'une façon qui plaise à Dieu. En effet, ils se sont mis en route au service du Christ sans accepter d'aide des païens. Nous devons donc, nous les chrétiens, soutenir de tels hommes afin que nous participions au travail qu'ils accomplissent pour la vérité. J'ai écrit une courte lettre à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être leur chef, refuse de tenir compte de ce que je dis. C'est pourquoi quand je viendrai, je signalerai tout le mal qu'il commet, les paroles méchantes et les mensonges qu'il prononce à notre sujet. Mais cela ne lui suffit pas. Il refuse de recevoir les frères qui arrivent. Il empêche même ceux qui voudraient les recevoir de le faire et cherche à les chasser de l'Église. Cher ami, n'imite pas ce qui est mal, mais imite ce qui est bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal n'a pas vu Dieu. Tous disent du bien de Démétrius et la vérité elle-même parle en sa faveur. Nous aussi, nous lui rendons un bon témoignage. Et tu sais que ce que nous déclarons est vrai. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas le faire avec une plume et de l'encre. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons alors personnellement. Que la paix soit avec toi. Tes amis t'adressent leurs salutations. Salue personnellement chacun de nos amis.